this track on everybody. Je regarde le match des Marseille Olympiques, posé avec mon oasis tropical. Je me taille à la playa. Avec le poteau, on va foutre le fire. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Et on se pète à la playa, on se pète à la playa. Et on se pète à la playa, se pète à la playa. Oh, hey, hey. Maman voulait gentil garçon, trop de détours au comico. J'ai pas appris mes leçons, j'ai pas l'appris trop de mythos. Je veux le salaire à Cristiano, j'ai le talent d'Asensio. J'ai la peuple de Ronaldo, si tu veux ben viens pécho. Oh, oh. Comme à la maison, quoi frérot c'est la même mais ça chaque saison. Je suis pas comme mes potes tombés en prison pour des histoires de shit ou de contrefaçon. Wow, wow, ou de contrefaçon. Wow, wow. Je regarde le match des Marseille Olympiques, posé avec mon oasis tropical. Je me taille à la playa. Avec mes potos on va foutre le fire. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Et on se pète à la playa, on se pète à la playa. Et on se pète à la playa, se pète à la playa. Oh, oh.